J'écris ma vie, j'décris l'avenir, cette vision d'horreur. Elle tremble ma vie quand elle est faite de peur. Je la vis, je la vois, je la sens, et même sans savoir ne pourrait décrire ce que je ressens. Un coup de froid, un coup d'horreur, un coup d'amour réchauffe le cœur, un coup de vie, d'espoir, d'avenir et pleurs, mon souffre-douleur. Au bout de mes doigts, je cherche un avenir fait de fer et de bon, solide rempart contre les satires. Chez l'homme, je m'éproche et libre de notre avenir. Au bout de mes doigts, mes tripes, mes lois invitent un cœur, mes choix de vie, de peur, d'état, mes méfaits, mes méha. Coule pas au bout de mes doigts, y'a un syndrome, un boulot, une maladie pour la vie. Du bout de mes doigts, tiens un stylo, un crayon, une arme, un cri qui vient du cœur. Du bout de mes doigts, mon arme, ma vie, du vrai, du faux, de la joie, de la peur, un antidépresseur. Du bout de mes doigts, je viens chanter, pleurer notre terre, terre et nos valeurs. Du bout de mes doigts, tiens un stylo, un crayon, une arme, un cri qui vient du cœur. Au bout de mes doigts, mon arme, ma vie, du vrai, du faux, de la joie, de la peur, un antidépresseur. Du bout de mes doigts, je viens chanter, pleurer notre terre, terre et nos valeurs. Du bout de mes doigts, s'écrit mon cri interne, s'écrit mes envies, nouvelle éternelle, agit mon utopie, rit l'avenir quand résonne un je t'aime. Et c'est quand sonne son image que ma mine devient sage, que j'écarte le temps et toutes ces années perdues. On s'est connu, on s'est reconnu, j'en ai regretté parce que ses yeux me revenaient. Oui, j'ai pensé pleurer, chanter, crier car notre destin était bâché. Mais elle sait maintenant où on en est, car elle savait ce que je ressentais. Du bout de mes doigts, car du bout de mes doigts, j'avais attrapé la lune. Et que sous la fraîcheur de mon toit, j'en ai rejeté plus d'une. J'avais perdu qui j'étais, et ce n'est du bout de mes doigts que j'arrivais à me retrouver. Alors du bout de mes doigts, j'ai chanté l'espoir. Pour toi, pour moi, pour eux et pas pour la gloire. Ouais, je continuerai, qu'importe ce que ça m'apporte, hostilité ou savoir. Car marre maintenant, faut voir avec le cœur avant qu'il soit trop tard. Du bout de mes doigts, tiens un stylo, un crayon, une arme, un cri qui vient du cœur. Du bout de mes doigts, mon arme, ma vie, du vrai, du faux, de la joie, de la peur, un antidépresseur. Du bout de mes doigts, je viens chanter, pleurer notre terre, terre et nos valeurs. Du bout de mes doigts, tiens un stylo, un crayon, une arme, un cri qui vient du cœur. Au bout de mes doigts, mon arme, ma vie, du vrai, du faux, de la joie, de la peur, un antidépresseur. Du bout de mes doigts, je viens chanter, pleurer notre terre, terre et nos valeurs. Du bout de mes doigts, je ferai l'effort, j'irai soulever des rochers, travailler la terre, je vais chercher de l'or pour nous construire un château de pierre. Du bout de mes doigts, j'effleurerai ton sourire pour le garder, le regarder et l'empêcher de mourir. Du bout de mon troisième doigt, j'insulterai ceux qui t'ont fait souffrir. Et du bout de mon pouce, je remercierai ceux qui croient en mes dires, ceux qui comprennent pourquoi partir et qui soutiendront ce que j'ai envie de bâtir. Un peu de compréhension, pas besoin de compatir. Je répondrai à toutes les questions, personne pourra en mourir, car il ne peut y avoir que haine. Je n'oublie pas ce que j'aime. Au bout du bout de mes doigts, je resterai ferme, même si je ramène la rengaine. Je dégaine la vie, l'avenir, comprenez que je l'aime et que seul son sourire et elle-même ont su me libérer de mes chaînes. Je veux vivre, vivre chez moi, entouré d'enfants, dans la paix. Du bout de mes doigts, tiens un stylo, un crayon, une arme, un cri qui vient du cœur. Du bout de mes doigts, mon arme, ma vie, du vrai, du faux, de la joie, de la peur, un antidépresseur. Du bout de mes doigts, je viens chanter, pleurer notre terre, terre et nos valeurs. Du bout de mes doigts, tiens un stylo, un crayon, une arme, un cri qui vient du cœur. Au bout de mes doigts, mon arme, ma vie, du vrai, du faux, de la joie, de la peur, un antidépresseur. Du bout de mes doigts, je viens chanter, pleurer notre terre, terre et nos valeurs. Jamais parlé avant. J'ignore pourquoi je vous dis cela aujourd'hui, sauf peut-être. Je prie Dieu qu'il me donne une famille. Si je peux vivre en paix, je préfère.